est déjà réel, sinon il n'y aurait pas le stade intermédiaire de l'incarnation physique. Le seul fait de pouvoir le concevoir fait que c'est là, c'est. Donc, si c'est là, est-ce qu'en tant qu'ego, on peut tirer profit de ça? Des fois, l'ego, il veut tirer profit de quelque chose, puis il ne se rend pas compte qu'il se nuit. Donc, le moi réel qui lui obéit à des lois qui ne sont pas égoïques va s'arranger pour que tout est au profit de l'ego tout le temps, même quand l'ego pense que c'est pas à son profit. C'est juste de faire qu'il faut que l'énergie passe. Il faut que ça qu'il y ait du. Le mouvement se promène d'un plan à l'autre. Donc, de s'en servir avec profit, des fois, c'est de pas être dans son profit, puis de se mettre dans des pertes qui est un profit pour l'ego, parce que il intègre comme ça la nature du réel, si on peut dire. Des fois, ce qui est le plus profitable pour l'ego, c'est de pas être capable de servir à son profit de quelque chose, parce que ce serait retardateur. Oui, je comprends. C'est sûr que des fois, d'ailleurs, si la personne pourrait avoir accès facilement à de l'argent, peut-être qu'elle ne ferait pas tous les efforts et elle ne développerait pas toutes les compétences que la nécessité de gagner d'argent en fait qu'elle a développées. Oui.